Merci, merci beaucoup. Merci Henri, merci Patrick pour votre présentation. Je vais faire une présentation d'un genre un petit peu différent. Peut-être qu'il y aura des zones de passage entre nos deux présentations. Merci aux organisateurs du séminaire de m'avoir convié. J'en avais fait part à Émilien avec un peu d'étonnement pour ma part, parce que je ne travaille pas vraiment sur la fonction publique, pas non plus en réalité directement sur les questions de santé au travail. Mais j'avais cru comprendre que l'objet du séminaire, c'était de travailler sur l'objet cher, en fait, et sur la manière dont il s'organisait. C'est une forme d'organisation aussi qui a des particularités, un certain intérêt. J'essaierai peut-être dans un dernier temps de ma présentation de revenir de manière un peu réflexive sur ce que ça nous dit, dans la mesure où on travaille à la fois sur les politiques de santé, avec les acteurs de santé qui ont été assez largement mentionnés par Henri et Patrick, mais aussi avec beaucoup d'acteurs publics. Ça dit des choses sur certaines caractéristiques de l'action publique et de ces acteurs, au-delà même du monde hospitalier, au-delà même de la fonction publique hospitalière. Peut-être une manière aussi de planter le décor, si j'ose dire, c'est que sans doute le fait que lorsqu'on s'intéresse à la santé, évidemment, ce panorama de l'action publique, de la fonction publique, il est toujours un peu en toile de fond, mais un peu seulement, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'autres acteurs. Et en plus, parce qu'on est dans un secteur qui est traditionnellement marqué par un assez haut degré, ce qui est peut-être aussi un élément à introduire sur la réflexion sur la coordination et la coopération, par un assez haut degré d'autonomie, autonomie au sein des acteurs publics, où traditionnellement, en tout cas quasiment jusqu'avant l'épidémie, c'était un acteur sectoriel qui fonctionnait de manière relativement spécifique, relativement séparé du reste, et puis autonomie à tous les niveaux du système de santé en raison de toutes les logiques professionnelles qui se sont historiquement constituées, structurées sur des principes d'autonomie, et d'autonomie par rapport à l'État en particulier, pas seulement par rapport à l'État, par rapport au marché également, mais par rapport à l'État, ce qui du coup place les acteurs dans des positions tout à fait spécifiques dans les formes d'organisation du travail collectif. Alors, au-delà de ces petits points d'introduction, ce que j'ai prévu de faire, c'est plutôt vous présenter certaines activités de la chaire, en insistant sur certaines de ces caractéristiques un petit peu organiques, et puis, comme je le disais, de prendre un petit peu de recul. Ensuite, une chaire, d'une certaine manière, c'est porté par des chercheurs, à Sciences Po en tout cas, mais c'est le cas dans la plupart des autres institutions académiques, et donc c'est lié aussi à nos parcours. À nos parcours personnels et en l'espèce, et j'y reviendrai quand je parlerai de la position de la chaire, Henri a fait allusion aussi tout à l'heure, on est dans des positions qui sont des positions intermédiaires, en fait, des positions où on est dans l'espace académique, mais on discute aussi beaucoup avec d'autres types d'acteurs, on passe aussi beaucoup de temps en dehors de ces espaces académiques, et les chaires sont constituées justement pour favoriser ces formes d'échange et ces formes de dialogue. Pour ma part, je le fais en tant que sociologue, évidemment. J'ai une entrée en sociologie qui est entre la sociologie générale, la sociologie économique, la sociologie des organisations. Et j'ai travaillé plutôt sur des questions d'utilisation des savoirs, des représentations, des modes de raisonnement, et en particulier des raisonnements économiques dans le domaine de la santé, à la fois en France et en Angleterre. J'ai travaillé aussi, ça nous rapproche un peu du sujet, sur le fonctionnement d'institutions tout à fait spécifiques et très nombreuses dans le domaine de la santé relativement originales, que sont des agences techniques, des agences indépendantes, qui peuplent en quelque sorte le paysage administratif du secteur de la santé. Et puis plus récemment, j'ai travaillé sur des questions qui sont relatives au lobbying de l'industrie agroalimentaire dans le domaine de la santé, ce qui nous amène à poser les questions des liens entre acteurs publics et acteurs privés. En plus de ces activités de recherche, ou en parallèle avec ces activités de recherche, j'ai aussi eu un parcours qui n'est pas sans lien avec ce qu'on fait à la chaire santé, un parcours très très proche de logique plutôt d'expertise, en fait, de logique d'expertise scientifique, en essayant d'apporter un regard de sciences sociales auprès d'institutions qui n'ont pas forcément une familiarité très grande, et même généralement assez faible. Et à différentes reprises, sous différents formats, j'ai été amené à jouer ce rôle-là, d'apporter un regard de sciences sociales auprès de la Haute Autorité de Santé pendant assez longtemps, auprès de l'ANSES, auprès de l'Agence de biomédecine, de Santé publique France, par exemple, auprès d'acteurs ministériels également, au sein du ministère de la Santé, mais aussi au sein du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, et aujourd'hui plutôt dans l'environnement du ministère de l'Agriculture, au sein du Conseil national de l'alimentation. J'ai été amené à le faire dans des contextes froids et dans des contextes un peu plus chauds, dans des contextes de crise en particulier. On y a fait référence, il se joue des choses tout à fait particulières dans ces moments-là. J'ai travaillé sur en apportant ce regard de sciences sociales dans une crise dont on a un petit peu oublié l'occurrence, encore que pas tout à fait, une crise dite des bébés sans bras, si vous avez des souvenirs d'enjeux il y a quelques années sur l'imputation à des polluants, aux pesticides en particulier, de certaines malformations qui touchait, sans qu'on sache très bien les causalités, un certain nombre de bébés, puis plus récemment aussi, dans le cadre de la crise Covid, au sein du Conseil scientifique Covid-19. Alors, c'est dans ce contexte-là, d'une certaine manière, j'ai progressivement acquis un intérêt, une familiarité aussi, une certaine excitation par moment, dans cet entre-deux, en fait, entre l'apport de travaux, de méthodes, de connaissances qui viennent plutôt du monde des sciences sociales, qui viennent plutôt du monde académique, sciences sociales, sociologie, sciences économiques aussi, sur lesquelles j'ai travaillé, sciences politiques, dont on n'est jamais très loin quand on est à Sciences Po, et puis la manière dont tout ça peut être traduit, proposé, apporté aux différents types d'acteurs publics. Et d'une certaine manière, l'activité qu'on conduit au sein de la chaire santé, c'est un prolongement de ce parcours-là, qui n'est pas seulement un parcours individuel, mais qui implique aussi, évidemment, un certain nombre de collègues. Je vais y revenir. La chaire santé dont je suis titulaire, elle a été créée il y a déjà assez longtemps. En réalité, elle a été créée en 2006 par Didier Tabuteau, qui est aujourd'hui vice-président du Conseil d'État, et qui a un peu organisé initialement les activités de Sciences Po autour de cette chaire santé sur les questions de santé. Aujourd'hui, les activités relatives à la santé sont beaucoup plus nombreuses qu'elles l'étaient à l'époque. Et j'ai essayé de reprendre certaines des activités de la chaire en matière de débat public en les enrichissant, parce que c'est un peu mon pédigré, si j'ose dire, de travaux qui sont plus des travaux de recherche, des travaux plus de production de connaissances en phase avec des acteurs publics. Une manière de présenter une chaire, c'est aussi de dire que, je ne sais pas si c'est de la coordination, mais c'est en tout cas un nœud de partenariat, c'est une manière de construire des partenariats avec beaucoup d'institutions diverses et variées, publiques et privées. Dans le modèle des chaires tel qu'il existe aujourd'hui à Sciences Po, c'est plutôt des acteurs privés avec des enjeux d'attraction, de fonds supplémentaires vers des activités académiques. Dans le domaine de la santé, c'est toujours un peu plus délicat de travailler avec des acteurs privés, notamment avec certains d'entre eux, particulièrement quand on travaille sur les questions de lobbying, dont on voit assez vite que les chaires sont un des instruments privilégiés des acteurs qui mettent en place des logiques d'influence. Ce qui fait que pour ma part, j'ai plutôt privilégié des liens avec des acteurs publics, qui sont les acteurs structurants, disons, du secteur, le ministère de la Santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'ARS Île-de-France, Santé publique France, l'ANSES, et puis voilà, quelques autres acteurs publics un peu centraux. Quelques acteurs privés néanmoins, AG2R La Mondiale, qui est un acteur plutôt issu du monde mutualiste, et puis des acteurs qui sont plus proches des mondes professionnels, avec Unicancer, si vous avez donné l'occasion de travailler récemment avec Patrick et Henri, sur la place des centres de lutte contre le cancer, avec l'Ordre national des infirmiers. On avait hier encore une journée consacrée aux travaux de coordination dans le monde infirmier. Et c'est autour de ces coopérations, autour de ces liens institutionnels, de ces partenariats, que se nouent des projets, que se nouent des intentions, que se nouent... Henri disait que ça prenait facilement deux ans de monter une convention. C'est pas tout à fait faux, hein. Ça prend un certain temps, parce qu'il faut d'abord identifier un intérêt. Il faut le transformer en une forme de besoin, quelque part. Il faut le retraduire en des termes qui sont susceptibles d'être... d'avoir du sens du point de vue des méthodes de sciences sociales. Et puis ensuite, il faut imaginer comment on peut adosser des méthodes qui ont une chance à un moment ou un autre d'y répondre. Et puis c'est seulement à ce moment-là que les choses commencent. Donc on a déjà une bonne année ou deux années qui se sont écoulées. Et là, on peut commencer un travail. Et généralement, il faut le faire très vite, parce qu'il faut être dans l'horizon de décision du décideur qui a abandonné à nouer la convention. Et donc là, on est plutôt sur des horizons courts, ce qui nous conduit pour notre part à travailler plutôt avec des post-docs qu'avec des doctorants, plutôt sur une logique annuelle que sur une logique pluriannuelle. Ça n'empêche pas de travailler aussi en faisant un travail de fond avec des doctorats, mais enfin, ce n'est pas le modèle majoritaire. Un autre partenariat institutionnel, un autre partenariat académique aussi, au sein de Sciences Po. Je le disais, beaucoup d'activités liées à la santé au sein de Sciences Po. La chaire santé est en lien avec beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces acteurs-là. En termes d'enseignement, je ne sais pas si vous êtes complètement au clair, mais on a beaucoup de formations qui sont liées à la santé, en fait. Master d'affaires publiques, on a deux spécialités, une en santé, une en global health. On est à l'école urbaine, on a pas mal d'activités liées à la santé au territoire, à APSIA avec une dimension global health également. On a un master dont Henri et Patrick sont particulièrement investis sur les questions d'executive education, de formation permanente. Donc on a tout un réseau en termes de formation, en termes de recherche également. On a plusieurs centres, le nôtre en est un, mais il y a plusieurs centres qui ont des activités tout à fait consistantes en matière de recherche. Et avec lesquels la chaire santé est amenée à coopérer. Avec le CEVIPOF, on a organisé par exemple un débat, un colloque sur l'antibiothérapie il y a quelques semaines. On pourrait mentionner les activités du CE, du Media Lab, et également avec lesquelles on travaille. Et puis on essaye de drainer aussi vers Sciences Po des compétences académiques. C'est ce que permet une chaire aussi, des compétences académiques qui sont extérieures en fait à Sciences Po, dans des domaines où on n'a pas forcément les compétences. Je pense en particulier en économie de la santé, où on n'a pas de spécialistes sur la santé dans le département d'économie à Sciences Po, mais dans d'autres domaines aussi, et ça permet de constituer aussi des réseaux de recherche et des liens de recherche plus ou moins liés à un projet, ou parfois un petit peu plus durable. Ce qui positionne la chaire santé vraiment donc dans cet entre-deux, entre espace académique et espace institutionnel. Pour être très concret, comment ça fonctionne en termes d'équipe, c'est une équipe assez souple, c'est une équipe assez petite en réalité, on a trois permanents, et puis il y a beaucoup de choses qui viennent s'agréger dessus, des contrats de post-doc, selon les périodes, entre 6 et 10 post-docs qui travaillent à la chaire santé. On a des doctorants, on a accueilli 4 thèses, donc là c'est des travaux plus longs, c'est des travaux qui demandent un suivi, un engagement dans la durée. Et puis on agrège aussi des capacités d'encadrement qui viennent encore une fois de collègues internes ou externes à Sciences Po. Nos activités, c'est des activités, je disais, de beaucoup de débats. On faisait le point il n'y a pas si longtemps, ou depuis 2020, au moment où j'ai pris la direction de la chaire santé, on a organisé près de 80 événements sur des choses très très variées, avec des formats également variés. On fait en sorte de varier les formats en fonction des besoins de nos partenaires. Parfois c'est des séminaires, parfois c'est des séminaires fermés, parfois c'est des conférences, parfois c'est des matinées, parfois c'est toute la journée, parfois c'est des colloques, parfois... Donc on a des formats extrêmement variés, et puis on peut jouer, et la maison le permet aussi, de jouer sur les formats pour nourrir en quelque sorte ce débat. C'est une activité extrêmement importante, qu'on ait des lieux en quelque sorte, hein, comme aujourd'hui, qui soient des lieux d'échange avec des acteurs professionnels, des acteurs académiques, en fonction de questions identifiées, et en les nourrissant toujours de travaux qui ont été réalisés à la chaire, et donc d'un input académique. Donc des activités de débat, des activités de recherche, où on a essayé d'être présent sur un arc assez large de sujets, qu'on peut présenter un peu en deux morceaux, des sujets de santé publique. Je mentionnais les travaux sur l'alimentation, par exemple, sur les liens entre alimentation et santé, sur le Nutri-Score, sur le lobbying, sur les recommandations nutritionnelles. Donc pas mal de politiques sont liées à l'alimentation. Et je crois qu'on est devenu un espace de référence sur ces questions-là. Des questions liées à l'environnement. On travaille par exemple sur les déchets hospitaliers. L'hôpital est un très gros pollueur par plein d'aspects et est amené à se transformer à un horizon assez proche. Et donc on essaye de rentrer sur ces sujets-là. Et puis d'autres questions qui recoupent un peu les problématiques qu'ont abordées Henri et Patrick tout à l'heure, des questions qui sont relatives à l'organisation de notre système de santé, à l'organisation des pratiques professionnelles, à l'organisation des soins d'une manière plus générale, et qu'on travaille en étroite relation avec nos partenaires. Je mentionnais les travaux sur la cancérologie par ailleurs, des travaux sur les soins infirmiers plus récemment, des travaux sur des expérimentations. Dans le domaine de la santé, il y a, comme dans d'autres secteurs, beaucoup d'expérimentations qui sont promues par les pouvoirs publics sur des modalités souvent avec beaucoup de technologies, un modèle un peu inspiré du modèle start-up à différents endroits. Donc on regarde ça, on accompagne la CNAM aussi dans les réflexions sur les modèles de financement. Plus récemment aussi, sur une question qui est souvent mal comprise, la question de la financiarisation des soins, à bien distinguer de la privatisation, qui est plutôt la manière dont des acteurs financiers, des investisseurs privés, des family office, des private equity, prennent des positions dans le secteur de la santé, souvent à bas bruit, et restructurent de manière assez profonde un certain nombre d'activités, potentiellement changent un peu, même assez profondément, certaines dynamiques du système de santé. Donc des activités de recherche sur cet axe santé publique, organisation des soins. Et puis, dans un autre type de rapport au pouvoir public, des activités d'évaluation de politique publique. On a notamment conduit l'évaluation d'un projet régional de santé, celui de la région Île-de-France, donc qui nous a conduit à regarder l'ensemble des politiques de santé, mais à l'échelon régional. Et ce qui nous a occupé pendant près de 4 ans, dans des conditions pas toujours simples pendant l'épidémie de Covid, en constituant un consortium de chercheurs, à peu près 25 chercheurs, jeunes et moins jeunes, qui ont travaillé sur ces questions-là et qu'on vient de rendre à l'ARS en fin d'année. Alors, au fur et à mesure que ces activités s'accumulent, je m'excuse par avance pour le côté peut-être un peu fastidieux et ennuyeux, comme disait Henri tout à l'heure, de ces éléments de présentation, on a aussi des thématiques qui émergent, qui ne sont pas forcément les thématiques qui sont identifiées au départ par les différents acteurs, mais qui finissent par faire sens au fur et à mesure qu'on multiplie les initiatives et les travaux. On pourrait mentionner quelques fils rouges. Premier fil rouge autour des liens entre acteurs publics et acteurs privés, qui ne sont pas des relations nouvelles. Dans le domaine de la santé, on a un secteur qui est depuis longtemps pluraliste, où il y a des acteurs, notamment professionnels, hospitaliers ou libéraux, qui sont publics ou privés, mais qui prennent des formes nouvelles, parce qu'on a des acteurs qui, dans le domaine de la santé publique, peuvent jouer des jeux qui sont orthogonaux par rapport aux enjeux de santé. C'est ce qu'on voit dans les activités de lobbying en matière agroalimentaire, ou les enjeux sur la financiarisation, on est aussi sur ce type d'enjeux-là, et on pourrait multiplier des exemples. Donc ces questions-là, c'est une réflexion sur les renouvellements de ces rapports entre acteurs publics et acteurs privés, et des déplacements de frontières par rapport au paysage, traditionnel. Il y a des effets qui ensuite prennent une incidence systémique à l'échelle du système de santé qui sont notables. Et on travaille avec des acteurs publics, d'autres que ceux que j'ai mentionnés, notamment avec la Cour des comptes, sur ces questions de rapport entre acteurs publics et acteurs privés. Une autre thématique qui a émergé au fur et à mesure, c'est, on y a déjà fait référence, c'est les thématiques du vieillissement, à la fois ceux des populations et ceux des professionnels, avec des enjeux de renouvellement de professionnels, de formes d'organisation qui suppléent à un déficit démographique du côté des professionnels, avec des nouveaux besoins de la population, avec un système de santé qui n'a pas du tout historiquement été pensé pour répondre à ces enjeux démographiques et qui, plus le temps avance, plus y est confronté sans complètement l'anticiper. Troisième fil directeur, je ne vais pas m'étendre parce qu'Henri et Patrick en ont déjà beaucoup parlé, c'est effectivement ces logiques de coordination qu'on voit fleurir un peu à tous les niveaux, de coordination des soins avec ces formes d'injonction à la coordination très, très puissantes, très formalisées, effectivement sous forme de plan, pas très bien reçues par les acteurs au niveau local. Et une quatrième dimension qui est assez importante du point de vue des transformations et qui rejoint peut-être aussi des choses qui sont un peu implicites dans la discussion qu'on a ici autour de la fonction publique, qui est la montée en puissance de manière très très spectaculaire des enjeux territoriaux sur les questions de santé, dans un contexte où traditionnellement, au moins depuis le milieu du XXe siècle, les politiques de santé étaient très centralisées, décidées à Paris, très descendantes. Le monde hospitalier, d'une certaine manière, a été beaucoup organisé sur ces bases-là. Et on a notamment depuis l'épidémie de Covid, une diversification et une montée en charge de ces enjeux territoriaux par plein d'aspects divers et variés. Et c'est aussi ça qu'on essaye de décrire, de comprendre, de travailler avec différents acteurs. J'en viens à une sorte de mise en perspective du travail de la chaire. Vous le comprenez, c'est un travail qui est qu'on essaye de positionner dans un espace intermédiaire, de porosité entre action publique et puis travail académique, mobilisation de méthodes et travaux en sciences sociales, et puis enjeux qui sont travaillés en temps réel par les différentes institutions de santé, qui sont pas très nombreuses, très diversifiées, qui ont des rôles spécifiques et qui travaillent parfois avec des problèmes parfois de coopération sur leur propre domaine de compétences. Ce qui me semble assez intéressant, on a aussi un peu comme, comme Henri et Patrick, on a un certain nombre d'acteurs qui viennent frapper à notre porte et qui nous demandent d'intervenir, ce qui nous permet nous de travailler, on en est très contents, et de développer des activités, mais qui révèlent, et puis on a l'occasion d'en discuter très explicitement avec eux, une vraie difficulté pour eux de trouver des expertises en sciences sociales en particulier, sur leurs différentes thématiques d'intérêt, de les trouver de manière fluide, de les trouver au moment où ils en ont besoin, c'est-à-dire pas au moment où on lance un grand appel à projet de recherche au sein de l'ANR, et puis le temps de monter la candidature, on a une chance d'isoler un projet au bout de 18 mois, le temps de le mettre en place et d'avoir des résultats, on est déjà 6 ans, 7 ans après, autant dire que la question et les décideurs qui ont posé le problème sont partis déjà depuis très très longtemps, que le monde a changé. Donc il y a une forme d'insatisfaction sur ces relations entre les espaces de savoir et les espaces d'action. Et d'une certaine manière, ce modèle des chaires résorbe un petit peu, en tout cas il est situé dans cette difficulté, dans cette interface, dans cette interface-là. Alors c'est quelque chose, moi, qui me paraît assez flagrant et frappant et fréquent, sur, voilà, quelle que soit la manière dont on prend ces questions et ces questions de santé, mais il me semble pas complètement indépendante d'enjeux à la fois qu'on observe empiriquement et qu'on vit subjectivement, qui sont liés à l'objet du séminaire autour des questions de fonction publique. D'une certaine manière, on est aujourd'hui à un moment qui me semble être l'héritier de différentes phases autour desquelles on a essayé de favoriser ces liens-là avec des succès, il faut bien le dire, très limités. Une première phase dont on est, pour certains d'entre nous, en tant que chercheurs au CNRS, les héritiers très directs, c'est jouer à l'échelle des individus et à l'échelle des activités professionnelles, notamment de la recherche, mais de la construction des statuts, y compris de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. On est au début des années 80, on est au moment où se définit le statut de chercheur, dans lequel on met un certain nombre de choses sur le rôle du chercheur, non seulement comme producteur de connaissances, indépendant, etc., tout ce que vous connaissez bien, mais aussi des activités d'expertise, mais aussi des possibilités de mobilité dans les administrations, mais aussi tout un ensemble de dispositions qui visent à favoriser une forme de porosité, une forme d'échange entre le monde du savoir et le monde de l'action publique, et qui très vite va toucher des limites pour des raisons qui sont probablement, ou des responsabilités qui sont probablement partagées, qui sont liées à probablement des formes de rigidification du côté de la fonction publique, mais aussi des formes de professionnalisation du côté des chercheurs qui vont les éloigner en fait de ces opportunités ou des occasions qui mettraient en péril des trajectoires de recherche par ailleurs de plus en plus compétitives. Et on l'observe, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'économie de la santé, c'est très caractéristique, c'est-à-dire qu'on a des moments dans les années 80, 90, même encore 2000, où les économistes de la santé travaillent avec les institutions de santé. C'est quasiment plus le cas aujourd'hui parce que c'est devenu quasiment impossible pour beaucoup d'économistes de prendre le risque de travailler sur des sujets qui ne sont pas propres en termes de base de données, en termes de possibilités de modélisation. Et ce qu'ils produisent du point de vue de leur expertise scientifique est souvent assez peu pertinent pour les acteurs publics, sauf sur des questions très très macro où il y a des enjeux de comparaison internationale, etc. Et donc il y a une forme de divorce. Et pour les sociologues, la situation n'est pas tellement meilleure. De mon point de vue, on pourra en discuter. J'espère qu'au CSO, à Sciences Po, dans nos chaires, on est un peu dans une position un peu moins critique que d'autres, mais la sociologie a développé beaucoup de travaux qui sont soit très professionnels sur des sujets très ponctuels, soit souvent aussi inscrits dans une sociologie critique qui met à distance l'idée d'une collaboration, d'une coopération quelconque avec des institutions publiques qui est perçue presque a priori comme une difficulté d'un point de vue épistémique, pour ne pas dire politique ou idéologique, ce qui peut être aussi le cas. Et donc cette porosité à l'échelle des individus, à l'échelle des parcours professionnels, tels que les avait pensés la réflexion des années 80 sur le statut des uns et des autres, autour des statuts de la fonction publique, me semble avoir débouché sur une forme d'aporie. Néanmoins, ce besoin il persiste et il a été organisé, du coup, un peu plus tard sous une autre forme, non plus à l'échelle, me semble-t-il, des individus, mais plutôt à l'échelle d'organisation précisément, et en particulier autour des agences auxquelles je faisais référence, qui sont nombreuses dans le domaine de la santé. et qui sont des organisations qui sont précisément situées dans cette interface entre des hauts niveaux d'exigence scientifique d'un côté et des hauts niveaux de décision publique. Quand on les répertorie, il y a plus d'une vingtaine d'agences qui sont compétentes dans le domaine de la santé, je n'ose pas dire un peu moins de 30, mais on est dans ces ordres de grandeur selon la manière dont on les compte. Et à l'échelle de ces organisations, qui avaient pour but initialement, c'est-à-dire au début des années 2000, de favoriser cette forme de porosité, cette forme d'échange, on a vu se mettre en place, j'ai essayé de l'étudier, y compris empiriquement, soit de manière transversale, soit à l'échelle de certaines organisations, des manières de fonctionner qui se sont, c'est un mot que Henri et Patrick n'ont pas utilisé, mais peut-être qu'ils auraient pu aussi mentionner, en référence à Michel Crozier, des formes de bureaucratisation, des formes de bureaucratie qui empêchent aussi des formes de coopération. On retrouve ces idées d'injonction formelle, l'action, etc. Et cette bureaucratisation, il me semble qu'on en a fait un peu tristement le bilan au moment de l'épidémie, où ces acteurs qui étaient possiblement des acteurs pertinents se sont révélés assez difficiles en fait à mobiliser dans un contexte de crise qui n'était simplement pas envisagé dans cette ampleur-là, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de rapport aux experts, dans leur mode de rapport à la décision publique, dans le rapport même aux décideurs publics. Et d'une certaine manière, il a fallu réinventer toute une série d'autres institutions plutôt ad hoc, beaucoup plus souples, beaucoup plus proches aussi des acteurs de recherche que des acteurs scientifiques qui avaient été recrutés dans ces institutions-là, qui sont plutôt des acteurs, pour beaucoup d'entre eux, qui ont une formation doctorale, qui sont juniors, qui rentrent et qui font une partie de leur carrière dans ces organisations-là. Et donc il me semble qu'il y a eu, à ce moment-là aussi, une tension très forte qui, d'une certaine manière, nous appelle à nous interroger sur ces rapports entre action publique et monde des savoirs, ce qui est un peu aussi dans la matrice de réflexion de l'enseignement à INSP, de la manière de repenser un peu la formation des élites administratives, de les sensibiliser à ces enjeux scientifiques. Jusqu'à quel point on va y arriver de cette manière-là, j'en sais trop rien, l'avenir est ouvert. Ça pose aussi des questions de transversalité, ce qu'on n'a pas réussi à l'échelle des individus, ce qu'on n'a pas réussi complètement à l'échelle des organisations, peut-être qu'on le réussira mieux à l'échelle des formations. Il me semble que ça pose un problème, un peu en ligne de mire, et j'en discutais, il se trouve que je suis aussi président du conseil scientifique de l'EHESP, on avait des réflexions sur le rôle du doctorat pour des futurs hauts fonctionnaires. Comment est-ce qu'on les sensibilise à des problématiques qui sont des problématiques de recherche? C'est des questions dont on discute aussi à Sciences Po assez fréquemment, parce qu'on est en lien, que ce soit à l'école d'affaires publiques, que ce soit dans nos formations à l'école de la recherche, dans cet espace un peu de discussion entre formation doctorale, formation académique d'un côté, et puis formation de nos décideurs et de nos élites administratives. Je ne suis pas sûr qu'on ait une doctrine très claire. Je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose qui favorise ces porosités-là, qui favorise aussi des formes de convergence avec ce qui existe à l'échelle internationale. Et pour m'arrêter là, c'est aussi dans ce paysage-là et dans certaines spécificités du paysage administratif français que se situe la position d'organisations un peu souples, un peu hybrides, qui font un peu un pas de côté, y compris par rapport aux carrières académiques classique, si j'ose dire, dans des organisations qui s'autorisent de travailler avec des acteurs professionnels, j'allais dire du monde non académique, plutôt que d'avoir simplement une logique plus strictement académique. Il me semble que ça, l'existence de nos chaires, d'une certaine manière, si on pose la question comme ça, renvoie à ces interfaces entre le monde académique et le monde des politiques publiques. Voilà, je m'arrête là. Et...